Bonjour à vous tous, merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Voici les grands titres de ce journal. Le ministre de l'Éducation nationale annule tous les résultats des examens qui n'ont pas été faits en réseau et ordonne de les faire refaire. François Vialimana annonce aussi la fermeture imminente des écoles privées ne remplissant pas les conditions dont l'autorisation d'ouverture. Et le ministre en charge des infrastructures annonce un programme zéro nid de poule dans les voiries urbaines. Pour le ministre, Deon Sangani Ungami, le Burundi ne peut pas persister dans des dettes pour entretenir les routes. Et la malaria a diminué en province de Tchankouzo. Le nombre de personnes atteintes est passé de 31 000 à 23 000 pour la période de janvier à février cette année. Et cela grâce au concours des partenaires, selon la direction de la santé dans cette province. Et dans la chronique sur les messages de haine, un connaisseur nous expliquera que les discours dénigrants visent à ternir l'image d'un groupe de gens. Voilà pour le sommaire. Bonjour. Le Burundi compte réduire les dettes extérieures destinées à la construction et à l'entretien des routes. Le ministre en charge des infrastructures, Léo Gracias Nsangani Umwami, explique que le pays ne peut pas persister dans des dettes extérieures alors qu'il dispose de moyens matériels et de la main-d'œuvre qualifiée. Il fait aussi savoir que les voiries urbaines vont bientôt être réhabilitées à travers le programme Zéro Nid de Poule consistant au bouchage des nids de poule. Suivez-le. Le premier programme, c'est le programme des travaux courants d'entretien manuel. Mais il y a également le deuxième programme dénommé Zéro Nid de Poule. C'est-à-dire que ça sera un programme pour finalement boucher tous les nids de poule sur le réseau routier national. Et ce deuxième programme, c'est le programme qui va prioritairement commencer par les centres urbains. Parce qu'il s'agira de réhabiliter et de boucher ces nids de poule. Non pas par les ciments ou non pas par les pierres ou les cailloux, mais nous allons les boucher par le bitume. Nous avons déjà fait une commande de bitume et pour boucher ces nids de poule, nous sommes en train de finaliser le contrat avec un certain pays européen qui va nous envoyer les engins lourds pour entretien de ces axes routiers dans les zones urbaines. Vous dites aussi que c'est en vue de réduire les dettes allouées à la construction et l'entretien des routes. À combien s'évaluent ces dettes et quelles sont les orientations de l'État maintenant? Je ne peux pas vous dire exactement le montant, à combien ça s'est évalué ces dettes, mais et comme d'aucuns le sache, c'est que le gouvernement a contracté depuis des années des dettes extérieures. Maintenant, avec le gouvernement, les Tangos et les Tangiers, il a pris une autre option d'utiliser ses propres fonctionnaires, ses propres ingénieurs pour la mise en œuvre des travaux en régie. Si vous passez ici et là à travers tout le pays, vous voyez aussi les ponts de très grande envergure qui sont en train d'être exécutés par l'agence routière du Burundi. Vous voyez les pancartes, les travaux sont là. C'est-à-dire que les fonds qui étaient utilisés par les étrangers ou les sociétés étrangères sur notre territoire. Maintenant, ce sera les fonctionnaires, les entreprises publiques nationales qui vont exécuter ces travaux. C'est-à-dire que ça se comprend très bien qu'il y aura un gain extrêmement important pour le pays. C'était le ministre Deo Gracias Nsangani Umwami en charge des infrastructures, interrogé par Edi Nibel Nibigira. La stratégie de mise en œuvre de la politique nationale d'industrialisation est une solution aux défis qui hantent le secteur industriel. Cette politique prévoit une augmentation du produit intérieur brut, passant ainsi de 17% jusqu'à 20% d'ici 2027. Olivier Suguru, président de l'Association des industriels du Burundi, qui le dit, précise que cette politique va booster l'économie du pays avec une augmentation de la production manufacturière de 30%. Je propose de l'écouter et de répondre aux questions de Moïse Misako. Cet outil va aider beaucoup à augmenter la part des industries dans la contribution du PIB. Aujourd'hui, notre contribution du secteur industriel est dans le PIB qui est de 17%. Avec cette politique et cette stratégie, nous comptons que d'ici 2027, on pourra contribuer jusqu'à hauteur de 20%. La mise en œuvre de cette politique aussi va occasionner une augmentation des exportations et quitte à ce que la part des exportations de la production nationale va atteindre 23%. Aussi, la participation et l'augmentation de la production des manufacturiers qui va arriver jusqu'à 37%. Donc, vous comprenez que pour nous, c'est vraiment une grande joie, une grande satisfaction que cette politique que nous avons tant attendue va voir le jour. Souvent, les industriels ont réclamé la disponibilité de l'énergie ainsi que des devises. Que prévoit cette nouvelle politique? Et la nouvelle politique d'industrialisation, sa mise en œuvre, prévoit également de promouvoir les investissements dans le secteur des infrastructures de base qui viendront pour soutenir le secteur industriel. C'est notamment l'énergie, c'est notamment la construction des routes et des chemins de fer. Alors pour ce qui est de l'énergie, aujourd'hui avec cette politique, ça va pousser et booster les investissements dans ce secteur où le secteur privé, ensemble avec le gouvernement, ils pourront amener leurs capitaux. Cet outil va créer alors cet espace, ces facilités pour promouvoir l'investissement dans le secteur de l'énergie. Sans oublier que le gouvernement a déjà fait pas mal d'investissements dans ce secteur et nous attendons aussi le lancement de la production d'énergie hydroélectrique sur 5 barrages. Et nous savons aussi que, pas plus tard qu'à la fin de cette année, les deux premiers barrages vont commencer leur production. Donc nous n'avons pas vraiment d'inquiétude dans ce secteur pour le moment. Et qu'en est-il de la question des devises? La mise en œuvre de la politique nationale d'industrialisation va aussi faciliter de gagner les devises puisque nous allons augmenter la production avec une nouvelle technologie que nous allons utiliser dans tout ce qui est fabrication des produits. Alors pour nous, si nous exportons le surplus qu'on n'aura pas consommé sur le marché local, on va gagner les devises. Donc, je salue cette politique puisque ça vient comme une solution à pas mal de défis dans le secteur industriel. Le président de l'Association des industriels du Burundi, Olivier Suguru, réagit après le lancement de la stratégie de la mise en œuvre de la politique nationale d'industrialisation. C'était jeudi dernier. La ministre Marie-Chantal Nijimbere, ayant les industries dans ses attributions, a invité les opérateurs économiques à investir dans le domaine industriel pour que le Burundi soit compétitif dans les organisations sous-régionales dont il est membre. Les vendeurs de lait en détail, de même que les grossistes, disent qu'ils travaillent à perte aujourd'hui à cause de la montée des frais de déplacement qui sont passés de 2000 ans en tarifs variant entre 3000 et 5000 francs burundais. Ces vendeurs de lait se retrouvent dans l'obligation de hausser aussi le prix aux consommateurs. Le litre passant de 1600 à 2000 francs burundais. À l'origine de tout cela, la mesure interdisant la circulation des vélos en ville. On fait le point avec Jean-Marie Mayonga. Ces vendeurs détaillants et grossistes du lait disent que ces jours-ci, leur activité ne se déroule pas bien car les prix se sont vus à la hausse suite aux tickets de transport. Ils expliquent qu'ils travaillent souvent à perte. Nous avons un problème sérieux. Avant, ce sont des vélos qui transportaient du lait, mais aujourd'hui, on paie le taxi et ça demande beaucoup de dépenses et nous ne pouvons pas rester sans augmenter le prix par litre car ces déplacements nous coûtent cher. Un litre était à 1000 francs mais avec ce moyen de transport, un litre arrive à 2200 francs. Auparavant, on vendait un litre à 1200 francs bou. Mais aujourd'hui, le litre est souvent à 1400 francs bou. Même si nous vendons un litre à 1400, nous ne gagnons que 100 francs bou par litre. C'est pourquoi nous avons augmenté les prix. Nos activités ne marchent pas bien, car les gens ont arrêté de consommer le lait. Un des consommateurs du lait rencontré nous a dit qu'il n'y a pas d'autre choix. Même si les prix sont augmentés, ils vont continuer à acheter du lait tel qu'il est vendu. Ces vendeurs et grossistes demandent aux autorités de voir comment faciliter et prendre d'autres alternatives afin que le commerce du lait ne soit pas abandonné. Il faut que des mesures qui nous avantagent soient mises en place. Si on permettrait des vélos à transporter du lait, ça serait mieux. Cela va causer qu'un prix d'un litre revienne à la normale. Dans différents endroits où se vend du lait, les gens disent que les véhicules qui font le transport de ce lait, les chauffeurs fixent les prix comme ils veulent, ce qui pousse à ces vendeurs d'augmenter les prix par litre. Jean-Marie Mayonga. Et la mesure de stabilisation permanente a permis l'augmentation de la production du lait et des fertilisants dans la commune Mugamba de la province de Bururi. Propos de certains éleveurs de cette localité, même si d'autres sont encore récalcitrants. Le conseiller de l'administrateur de Mougamba chargé du développement reconnaît aussi que les litiges entre éleveurs ont été réduits depuis la mise en vigueur de cette stabulation permanente. Marie-Claire Kazenez. Les éleveurs de la colline Kavumu-Muyange de la commune Mugamba en province Bururi se réjouissent de la mesure de stabulation permanente puisqu'elle a permis une augmentation considérable de la production de lait et des fertilisants. Cyprien Nimubona, un de ces éleveurs. Comme éleveur, l'avantage que la mesure a apporté, c'est l'augmentation du fumier. Le berger qui était toujours à sa recherche fait d'autres activités génératrices de revenus à la maison. Un autre avantage est que si tu élèves bien ton bétail, il te donne beaucoup du lait. Bernard Nakirutimana, conseiller de l'administrateur Mugamba, chargé du développement, fait savoir que les litiges entre les éleveurs ont également diminué depuis la mise en application de cette mesure. Une minorité de la population qui ne peut pas ou bien qui a été contrainte de ne pas mettre en application ce programme suite. Alors, le moyen d'abord de mettre en application ce projet, surtout sur la construction des ancres. Ici, dans la commune Mugamba, l'état d'avancement, ce sont, on dirait, bon. Ce programme de stabilisation permanente a mis en place un loi qui prévoit des punitions ou des briques pénales pour ceux qui outrepassent le cœur des voisins. Mais ce n'est pas l'avis de Révérien Douimana, un autre éleveur de cette localité, qui se plaint comme quoi cette politique de stabilisation permanente lui a obligé de diminuer son cheptel alors qu'il s'en servait pour payer le minerval de ses élèves. La mesure n'a pas été du tout facile pour nous, petits éleveurs. J'avais un lopin de terre non fertile et je n'ai pas du temps suffisant pour l'exploiter afin d'avoir de l'herbe fourragère pour nourrir 3 vaches. Par conséquent, j'ai déjà vendu 2 et il m'en reste 1. Le colonel Leonidas Vandenzamaso, gouverneur de la province Bururi, précise que les éleveurs de Bururi ont en général respecté la mise en application de cette mesure. Il ajoute que ceux qui sont encore récalcitrants sont punis conformément à la loi. En province de Bururi, au niveau de la mesure de stabilisation permanente, au début, cette mesure était plus ou moins comme une contrainte, mais au fur et à mesure, ça va faire presque une année. La population s'en est habituée et elle a vu que la stabilisation évite le vagabondage des vaches et le gardiennage permanent, comme les travailleurs ou les gardiens. Et maintenant, ils œuvrent à d'autres activités et aussi, il n'y a plus de conflit foncier dans la destruction méchante. Il y a aussi une rentabilisation en qualité de fumier pour la mise en valeur de leur propriété. La politique de stabulation permanente a commencé au Burundi depuis le 4 octobre 2021. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. 13h08 à Bujumbura et sur Isanganiro, le journal continue. Les écoles privées qui ne remplissent pas les conditions dont l'autorisation d'ouverture seront fermées. Les responsables d'encadrement qui les favoriseront seront qualifiés de complices. Propos du ministre de l'Éducation nationale lors d'une réunion de service avec les directeurs provinciaux de l'enseignement, les directeurs communaux de l'enseignement et les directeurs des établissements privés. C'était ce mercredi. Et c'est dans le souci d'améliorer la qualité de l'éducation. Docteur François Vialimana ajoute que les transferts des élèves des établissements à d'autres, sans respect des normes, seront sanctionnés par le blocage d'un élève au test d'État, au moment où le directeur concerné sera directement démis de ses fonctions. Et le ministre ordonne également aux responsables des établissements appliquant l'ordonnance ministérielle qui n'ont pas mis en application la mesure des examens en réseau de demander à les refaire, précisant que les examens donnés en dehors de ceux faits en réseau, sont abrogés et que les résultats issus de ces derniers sont nuls. Dans la suite de ce journal, je vous l'avais dit dans les titres, le nombre de personnes atteintes par la malaria en province Tchankouzo ont sensiblement diminué. Selon la direction provinciale de santé à Tchankouzo, les effectifs des malades sont passés de 31 000 personnes à 23 000 pour la période de janvier à février cette année. À la direction de la santé à Tchankouzo, l'on salue les efforts des partenaires dans la lutte contre la malaria. Un appel est lancé à l'endroit de la population pour le bon usage des moustiquaires. Le directeur provincial annonce qu'une campagne de distribution de ces moustiquaires est prévue prochainement. Raymond Moudende. Ce sont les communes de Michia et Tchendajuro en province de Tchankouzo, communes situées dans les dépressions où la malaria sévit beaucoup plus par rapport à d'autres communes. La population de ces communes parle des moustiquaires usés pour se prévenir contre cette maladie. Le directeur professionnel de la santé à Changzhou, Dr Jean-Gédéon Manilatunga, parle plutôt des effectifs de malades qui tend à diminuer au cours de cette année. En effet, selon lui, le nombre de personnes atteintes par la malaria a passé de 31 000 à 23 000 personnes de janvier à février de cette année. La direction de la santé à Changzhou dit que cette baisse est due à l'appui des partenaires de la santé dans la lutte contre cette maladie. À la direction provinciale de la santé à Changzhou, l'on salue également les efforts de la population dans la lutte contre la malaria, notamment par des mesures hygiéniques aux alentours de leur ménage. Et d'autant plus que la population parle des moustiquaires aisés qui ne favorise pas la lutte contre cette maladie, le directeur provincial de la santé à Changzhou informe qu'une campagne de distribution des moustiquaires est prévue prochainement. Ici, l'on conseille à la population de bien utiliser ces moustiquaires. Et pensons qu'en province de Changzhou, les centres de santé de l'État sont nombreux de 33 et 6 sont des centres de santé privés. La population est conseillée de se rendre à une sécurité de soins au stock des symptômes de la malaria se manifestent. Depuis Changzhou, Raymond Moudende, Radio Isanganiro. Merci Raymond Moudende en actualité internationale. Avant de revenir sur la chronique, sur les messages de haine et quelques nouvelles brèves, un hélicoptère de la MONUSCO avec à son bord 8 casques bleus a été abattu en pleine mission d'évaluation des mouvements des populations selon la communication des forces armées de la République démocratique du Congo. Entre-temps, les affrontements continuent entre les membres du mouvement M23 et l'armée congolaise à l'est de la RDC. Ces nouveaux affrontements entre l'armée congolaise et le M23 ont engendré de nouveaux déplacements massifs de la population. Et du football africain, le Sénégal s'est qualifié pour la Coupe du Monde au Qatar aux dépens de l'Égypte au tir au but en 0-3-1 mardi à Diamine Dio. Le remake de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2022 a une nouvelle fois tourné en faveur des Sénégalais qui vont participer à une troisième édition du Mondial. Battu 1-0 à l'aller en Égypte, le Sénégal a refait son retard grâce à Boulaye Dia en début de rencontre avant que tout se joue au tir au but. Et c'est le capitaine Sadio Mané qui a puissamment trompé le gardien des Pharaons, El Shenawy, peu après que son coéquipier à Liverpool, Mohamed Salah, a manqué la cible. Et en bref, en actualité nationale, avant la chronique sur les messages de haine, 90 accidents ont été enregistrés depuis la limitation de l'espace de circulation des bicyclettes, motos et tricycles tuk-tuk dans la ville de Bujumbura. Affirmation ce mercredi du ministre de la Sécurité publique lors d'une conférence de presse. Gervais Ndirakobucha a fait savoir qu'aucune personne n'a perdu la vie dans ces accidents, alors que 14 personnes ont été blessées. Il a profité de cette occasion pour démentir les rumeurs selon lesquelles son ministère envisage de chasser les personnes démunies de la capitale de Bujumbura. Place maintenant à la chronique sur les messages de haine. Rassure-moi. Le discours dénigrant vise à transformer l'image d'un groupe de gens dans l'objectif de diminuer sa valeur. Et c'est le professeur Guillaume Ndaïkengurutse qui le dit, expliquant que ceux qui tiennent ces discours visent plus leur intérêt personnel que l'intérêt général. Il conseille à l'audience de se focaliser beaucoup plus sur les actions déjà réalisées que sur les discours des responsables ou des leaders. Ornella Mouch. Ceux qui tiennent des discours dénigrants attaquent la réputation de quelqu'un ou d'un groupe de gens pour chercher à le rabaisser dans l'objectif de diminuer leur valeur dans la société. Le politologue Guillaume Ndaïkengurutse donne 4 raisons poussant les responsables ou les leaders à recourir aux discours pareils. L'une est le conflit d'intérêts. Le premier motif, c'est souvent la quête des intérêts personnels au détriment de l'intérêt général. Le deuxième motif, c'est lorsque les responsables, lorsque les leaders ne savent plus justifier leurs échecs et qu'ils font recours à un discours dénigrant pour détourner l'attention du public sur leurs déboires, leurs échecs. Le troisième motif que je vois, c'est lorsqu'ils ressentent que leurs intérêts sont menacés par l'autre groupe qu'ils veulent dénigrer, lorsqu'ils sentent qu'il risque d'y avoir un partage d'intérêts avec l'autre groupe, et dans ce cas, ils peuvent chercher à le dénigrer. En quatrième lieu, et c'est pour moi le motif le plus dangereux, c'est lorsque ce discours appelle les adeptes à user de la violence à l'égard du groupe des personnes ou du groupe de personnes qui sont dénigrées. Les leaders doivent veiller au contenu de leur discours pour éviter de retomber dans les erreurs du passé, signale Guillaume Ndaikengurutse. Il faut essayer de tenir un discours rassembleur. Par discours rassembleur, je vais dire un discours qui tient compte de la diversité au sein de la société. Et surtout, il faut que ces leaders, ces responsables, évitent de rappeler tout ce qui a pu diviser la société par le passé. Et j'insiste sur cela parce que nous sommes dans une société qui a connu beaucoup de conflits par le passé. Donc, mobiliser des éléments qui peuvent rappeler les blessures du passé serait très dangereux. Donc, il faut que ces leaders évitent un tel discours. Et l'audience doit trier les paroles lancées et les actions déjà réalisées par ces leaders. L'audience devait prendre de plus en plus conscience de cette réalité que il y a toujours, chez les leaders, il y a toujours un décalage entre le discours et les pratiques. Et le discours ne reflète pas toujours la réalité, ne reflète pas toujours le vécu des citoyens. Donc, j'appellerai l'audience à se focaliser beaucoup plus sur les réalisations, les actions qui sont posées par les leaders, que leurs discours qui peuvent être juste formulés dans l'objectif de la satisfaction des intérêts personnels. Le dénigrement est une conséquence du non-respect de la personne ou de la dignité humaine. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Merci à Inosa Yuanimana pour la mise en onde de micro. Jean Bosco, nous, il m'en a passé un très bon après-midi.